Vous êtes à l'écoute de la radio Isanganiro. Bonjour mesdames et messieurs, c'est le moment du journal en français et de la mi-journée. Tout d'abord les titres. L'hôpital régional de Gitega souffre la carence des médecins spéciaux. Docteur Eric Ndiho Kugai, directeur de cet hôpital, souhaite qu'il y ait des médecins spécialistes pour aider les patients. Et l'association Albinos Sans Frontières plaide pour leur intégration et sociale et de leur mère. Propos de Anissé Banguilinama, qui représente à l'égard de la dite association. Et l'administrateur communal de Buyengero, son beau-frère et le conseil du gouverneur de Rumonge, chargé des finances et l'administration, sont locataires de la prison centrale de Rumonge, dite Kumurembe, depuis le soir de ce mercredi. Voilà pour les titres. Eric Wimana assure la mise en nom de Jean-Marie Mayonga. La présentation. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page santé. L'hôpital régional de Gitega souffre énormément de la carence des médecins spéciaux et ne dispose qu'en seul médecin de ce calibre. Pour Dr. Eric Ndiho Kugai, directeur de cet hôpital, l'existence des médecins spécialistes serait bénéfique pour les patients. Ces derniers réclament le recrutement de plusieurs médecins spécialistes à cette structure de soins. C'est au moment où, ce vendredi, le 9 décembre, l'hôpital régional de Gitega va célébrer ses 100 ans d'existence. Reportage signé Jérémy Bigla depuis la capitale politique du Burundi. Un seul médecin spécialiste est presté à l'hôpital régional de Gitega au moment où plusieurs services de cet hôpital ont besoin de tels médecins, comme l'indique Dr. Eric Ndiho Kugai, directeur de cette structure de soins. Nous connaissons un grand défi. Ce défi est en rapport avec le personnel spécialisé. Nous avons un seul médecin spécialiste ici dans notre hôpital. Ce dernier, c'est un médecin pédiatre. Vous entendez très bien que on n'a pas de gynécologue. Nous avons d'autres services spécialisés qui ont tellement besoin de ce médecin spécialiste. Le service d'ORR, le service de dentisterie et le service d'ophtalmologie. Normalement, lorsqu'on reçoit un patient, on essaie de faire ce qui est concordant avec ta capacité technique. Donc, ce qui dépasse notre capacité technique, on est obligé de le transférer ailleurs, donc à Bujumbura. Alors, une fois ce spécialiste serait disponible ici, et ça pourrait soulager la population, surtout en matière de dépenses, des frais de transport, mais également de logement, et pour consulter les médecins spécialistes à Bujumbura. De leur côté, les patients égard des malades rencontrés dans cet hôpital réclament l'affectation de plusieurs médecins spécialistes. Ils réclament aussi l'extension de l'hôpital régional de Gitega et l'augmentation des sanitaires, car les malades sont nombreux et dans les salles communes, ils demandent qu'il y ait séparation des femmes et des hommes et des adolescents. Autre chose qu'ils souhaitent, c'est la construction de plusieurs chambres individuelles. Du moment qu'actuellement, il n'y a que 5 chambres individuelles, telles que le précise Dr. Eric Ndiho Kugai. Ce dernier dit néanmoins qu'il y a un projet d'extension et de réhabilitation de cet hôpital avec la construction d'un bâtiment à 3 niveaux. C'est au moment où ce vendredi, l'audit hôpital célèbre ses 100 ans d'existence. Depuis Gitega, Jean Bigira pour la radio Isanganiro. Merci à toi, Jérémy Bigira. Restons toujours dans le domaine de la santé où les matières fécales et urines peuvent contribuer dans l'économie familiale une fois bien entretenues. Propos de Thierry Ndabigengesere, directeur général de l'association Great at Vision Group, créée pour renforcer les mesures d'hygiène et d'assainissement par location et aménagement des toilettes potables, vidange des fosses septiques dans les ménages. Selon Thierry Ndabigengesere, il a dit à l'occasion de la journée mondiale des toilettes célébrée le 9 décembre de chaque année, il appelle les jeunes à exploiter cette richesse. Suivez Thierry Ndabigengesere. On a appris aujourd'hui que non seulement que ce sont des activités à amener tout le monde à participer, mais on a compris qu'il y a du business à faire. Par exemple, on vient d'apprendre dans ces ateliers que 1 litre d'urine, ça coûte 1000 francs. 1 kilo de fesses, les caca, ça coûte 800 francs. Alors maintenant, vous prenez les chiffres et vous multipliez par la population burundaise de 12 millions. On a compris que, et on dit que chaque personne dégage 2 litres d'urine par jour. Maintenant, faites les calculs. 2 litres fois 12 millions, c'est combien? Et maintenant, 2000 francs, parce que le 2 litres coûte 2000 francs. 2000 francs fois 12 millions, on est en train de perdre 24 milliards chaque jour. Vous comprenez que bien qu'on est en train de laisser l'argent, alors venez vite, J'ai fait appel aussi à la diaspora qui nous écoute, investissez dans l'enseignement, dans l'hygiène, parce que c'est notre défi, c'est notre travail, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Pour le reste, Dieu va nous accompagner dans l'accomplissement de toutes choses et je remercie d'abord le gouvernement, je remercie l'UNICEF, je remercie les acteurs dans le secteur, que ce soit les secteurs privés, le secteur public, et que cette journée sera une journée à être commémorée parce que c'est une journée qui nous rappelle très bien que la responsabilité de redresser l'hygiène et l'assainissement au Burundi, ça appartient à nous les Burundais. À 13h passé de 4 minutes, et toujours vous suivez la radio Isanganiro, le journal continue. L'association qui milite pour les droits des albinos, Albinos sans frontières, plaide pour l'intégration sociale de ces derniers et de leurs mères. Dans un atelier de plaidoyer en faveur des personnes atteintes d'albinisme organisé par la CNDH à Ruigi, Anisebi Bangirimnama, son représentant légal, déplore que ces personnes subissent des discriminations sociales et multiformes, dont le refus de la paternité et des droits qui en découlent, notamment celui lié à l'héritage. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jean Dodier Irakodze. En premier lieu, il y a la discrimination sociale où les femmes qui mettent au monde un enfant albinos sont directement rejetées par leurs partenaires conjugaux pour avoir mis au monde un enfant albinos, soi-disant que c'est un monstre ou c'est de la malédiction au niveau de la famille. Et aussi, cet enfant albinos qui vient d'être rejeté avec sa maman, certainement il ne va pas avoir ce qu'on appelle la paternité, alors que c'est un droit pour un enfant. Aussi, même si un albinos aurait évolué dans des conditions tellement difficiles, il connaît un problème très lié du point de vue héritage, alors que c'est un droit social qui doit être régi et sur le même pied d'égalité pour tout le monde, étant donné que vous êtes des frères et des sœurs dans une même famille. Il faut que nous ayons une assistance judiciaire par rapport aux victimes de la discrimination et aussi nous devons procéder à la sensibilisation de tous les partenaires, par exemple, ses familles respectives, la communauté environnante, pour que quand même les albinos ou les mamans qui mettent au monde un enfant albinos puissent avoir une intégration sociale, je dis bien garantie. Et concernant la santé des albinos qui sont menacés par le cancer de la peau dû aux rayons solaires, il appelle au ministère de la Santé publique à leur fournir des équipements qui leur servent de protection. Encore une fois, Anissé Wangirina. Suite au soleil, tous les albinos sont victimes du cancer de la peau, exposés longtemps au soleil à cause des activités à exercer. Suite au trajet effectué, ces albinos subissent des maladies de cancer. À un certain moment, il y a des morts, il y a des handicapés accentués à cause de ce cancer de la peau. Au niveau de l'association Albinos sans frontières Burundi, et nous demandons que le ministère de l'OTT, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, prévoit les médicaments et les matériels de protection des personnes atteintes d'albinisme pour chaque année, parce que les médicaments ou les matériels de protection comme les crèmes solaires sont tellement chers. Il y a moyen que le ministère de l'OTT doit disponibiliser ces médicaments au moins tous les 6 mois pour que les albinos puissent en bénéficier périodiquement pour la prévention. Le journal continue, page justice, c'est l'administrateur communal de Buyengero, son beau-frère et le conseiller du gouverneur de Rumonge chargé des finances et de l'administration, sont locataires de la prison centrale de Rumonge, dite Kumure Mge, depuis le soir de ce mercredi, selon des sources auprès de cette maison de détention. Tous ont été conduits dans cette maison de détention après être interrogés par le procureur général près la cour d'appel de Bururi sur les probables implications dans le détournement des tôles de ciment que la présidence de la République de Burundi avait octroyé à cette commune pour la construction des écoles selon des sources auprès du parquet de Rumonge. Passons à l'international en RDC. Selon les résultats d'une enquête préliminaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la MONUSCO ont recensé au moins 131 victimes civiles, parmi lesquelles 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants tués au cours d'actes de représailles contre les populations civiles perpétrés le 29 et le 30 novembre à Kishishe et Bambo. Le gouvernement congolais avait évoqué lundi le chiffre de 272 personnes tuées le 29 novembre dans deux localités d'Iruchuru et Nord Kivu à l'est de la RDC où le M23 mène depuis plusieurs mois une offensive. toujours en RDC, alors que l'enrôlement et l'enregistrement des électeurs doit commencer dans une partie de la RDC d'ici une quinzaine de jours. 16 pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, ont publié mercredi 7 décembre un communiqué commun pour rappeler l'importance de la création des conditions permettant la tenue des élections libres et transparentes dans l'ensemble du pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Uimana pour la collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bon après-midi.